machine. Oh, oh, le crédit et mon projet et le chien. La parole du maire, parole de vérité. Pour vous mourir, c'est les affaires. L'obédience de moi. Thank you.